trop stylé ce son. Faut que j'en fasse un track, c'est sûr. Faut que j'écrive un texte et que le flow sans cesse mesure. Ravi, faut que j'ai le flow qui aille. Faudrait qu'il taille le beat, funky style. Et que la vibe m'habite comme une tasse cavale ma wesh cavale sur l'instru en 4 temps. Peut-être l'interlude qui sait sur ce putain de sous-pat que t'entends. Attends, j'en suis qu'à 6, vas-y, m'en manque 10, 7 maintenant. 8 après celle-ci, ouais, c'est bon, tout le monde que je tease. C'est chaud, j'ai pas trouvé de thème. J'suis même pas sûr de mettre ce morceau sur ce cut, donc tant mieux si t'aimes. Agent SX, tu sais qui pose, tu sais qui compose, tu sais qui taille les faux MC et qui leur laisse des échymoses. Tu sais qui taille les faux MC et qui leur laisse des échymoses. Trop stylé ce son, faudrait que j'en fasse un track, c'est sûr. Faut que j'écrive un texte et que je pose en 16 mesures. Grave, faut que j'ai flow qui aille. Faudrait qu'il taille le beat, funky style et que la vibe m'habite comme une tasse cavale.